Interrogation avec savoir et dire. Example questions. Est-ce que vous savez quand le directeur arrive le matin? Pouvez-vous me dire à quelle heure les bureaux sont ouverts?